Kadiho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le numéro 1 burundais demande aux forces de défense et de sécurité plus de solidarité, de discipline et d'esprit patriotique. Il a exprimé ce mardi lors d'échanges de vœux avec ses corps. On fait le point dans cette édition. L'ONG Avocats sans frontières prévoit arrêter ses activités au Burundi d'ici le 31 décembre. Dans ce journal, vous entendrez les réactions du barreau de l'Ordre des avocats de Bujumbura ainsi que l'Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers. Les deux estiment que cette décision ne sera pas sans conséquence. Des clients de la régie des eaux se plaignent de la lenteur dans les relevés des compteurs d'eau. Cela gonfle les factures qui deviennent difficiles à payer, mais la régie des eaux promet de régulariser plus tard. Des jeunes du site de déplacés de Yangoni en commune Guiheta disent bien cohabiter avec ceux qui sont restés sur les collines. Ils ont l'espoir que les prochaines échéances électorales vont bien se dérouler. Et puis dans la chronique santé, nous reviendrons sur la méningite, une maladie mortelle mais qui peut être traitée. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Échange de vœux de Noël et du Nouvel An ce mardi entre le président burundais Pierre Nkurunziza et les corps de défense et de sécurité burundais. Ces corps ont entre autres soulevé des problèmes dont ceux liés à l'INSS et à la mutuelle de la fonction publique. Dans son discours, le président Pierre Nkurunziza a fixé un délai de 4 mois pour que le procès verbal sur ces questions lui soit transmis. À ses corps, le numéro 1 burundais a demandé plus de solidarité, de discipline et d'esprit patriotique. Des conseils en 20 points. Mireille Kanyang. C'est dans le jardin du cercle hippique de Bujumbura que ces vœux ont été échangés. Dans les discours du secrétaire permanent au ministère burundais de la Défense et du ministre de la Sécurité publique, de la prévention des catastrophes, ils sont tour à tour revenus sur leur réalisation, défis et perspectives de leur ministère. Entre autres défis communs, ce sont les services offerts par la mutuelle de la fonction publique ainsi que les cotisations et représentations à l'INSS. Sur ce, le président burundais a fixé un délai ne dépassant pas 4 mois pour que le procès verbal lui soit transmis. Nous demandons à vos ministres qu'après ces cérémonies, qu'ils asseyent avec ceux qui sont concernés par ces questions à l'INSS et à la mutuelle pour qu'ils trouvent solution aux problèmes que vous avez exposés. Qu'on se retrouve en 2019 sans qu'on évoque encore ces problèmes. Nous voudrions que le procès verbal nous soit transmis dans 4 mois, pas plus. Sinon, l'on sera amené à prendre des mesures d'ordre militaire et policière. Nous avons donné un mot d'ordre, ça fait bientôt 2 ans. Le président Pierre Nkurunziza a également prodigué des conseils aux membres de ses corps, des conseils articulés sur 20 points, notamment la discipline, la solidarité des corps, l'esprit patriotique. Le numéro 1 de l'exécutif burundais les a également interpellés à faire face à l'ennemi. Ce que vous devrez savoir, c'est que les ennemis savent que le corps de défense, renseignement et sécurité constituent le socle du pays. Ils en savent les fondements depuis des siècles. Ils veulent déstabiliser le pays en passant par ses corps. Échoués, ils font tout pour diffamer nos corps. Vous leur montrerez que vous avez déjoué leur jeu. Ils ont tout fait, ils ont tout dit. Ils vous appelleront par tous les noms. Mais alors, ça ne vous empêchera pas de travailler. Gardez toujours à l'esprit que votre pays est votre richesse première. Ces échanges de vœux de ce mardi ont coïncidé avec 54 ans de naissance du président burundais. Merci Mireille. Page justice pour vous dire que le volet aide légale sera touché avec la fermeture de l'organisation Avocats sans frontières vers la fin de ce mois de décembre. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bujumbura appelle le gouvernement à allouer à ce secteur un budget irrelatif et suffisant comme remède. Maître Salvatore Kiyuku indique que les conséquences seront automatiques en l'absence de cette ONG qui appuie également dans la formation des avocats. Il s'entretient au téléphone avec Alain Désiré Boukéené. Nous avons effectivement appris avec peine la fermeture des bureaux d'Avocats sans frontières ici au Burundi. Il y a impérativement des répercussions sur notre façon de travailler, des répercussions sur nos relations avec la clientèle, notamment les vulnérables, qui ne pourront plus être servis comme ils étaient avant. Surtout que nos barreaux, nos institutions n'ont pas suffisamment de moyens pour satisfaire aux exigences de tous les vulnérables. Et l'association travaillait dans quel domaine? Elle travaillait dans le domaine de l'aide légale, effectivement le soutien aux vulnérables, aux victimes de violences sexuelles basées sur le genre, aux violences de tout genre. Avec la fermeture, quelles seront les conséquences? Les destinataires de ces prestations, ils n'en auront plus comme ils devaient l'avoir. Ils vont sûrement recourir à nos services. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous essaierons d'y pourvoir autant faire se peut. Et nous requérons du gouvernement un appui très sérieux, un appui très imposant parce que il y a beaucoup de vulnérables qui ont besoin de recourir à la justice. La plupart des gouvernements le font. Ils votent un budget pour ce genre de prestations et on demande au gouvernement d'intérioriser ce problème et de voter un budget adéquat pour cette rubrique. L'Association des volontaires pour la défense et des droits des prisonniers, AVDP en sigle, indique pour sa part que les conséquences de fermeture du bureau de l'ASF au Burundi sont nombreuses. Le président de cette organisation, Jean-Pierre Ninteletse, cite notamment le fait que les associations partenaires de l'ASF qui œuvraient pour la défense des droits des prisonniers seront elles aussi touchées. Il a été joint au téléphone par Aubin Nyonguru. Il y aura des conséquences parce que cette ONG aidait souvent les prisonniers et les associations qui œuvrent dans ce domaine, surtout dans la poursuite des dossiers des prisonniers. Alors, vous entendrez que si elle ferme les portes, il y aura des impacts énormes sur la poursuite des dossiers des prisonniers parce qu'il y a des dossiers qui étaient dans la justice, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui étaient dans les mains des avocats qui étaient à la charge de ce ONG qui vont abandonner ces dossiers parce qu'ils n'ont pas de moyens pour continuer à poursuivre ces dossiers. Et aussi les associations qui étaient appuyées par l'avocat sans frontières, elles auront aussi des difficultés à continuer à vaquer convenablement à leurs activités, surtout dans la promotion des droits des prisonniers. L'ONG Avocats sans frontières a sorti hier lundi un communiqué pour annoncer qu'elle va cesser ses activités d'ici fin décembre au Burundi. Il lui est impossible, dit-il, de satisfaire aux nouvelles exigences du gouvernement. Certains clients de la régie des eaux en mairie de Bujumbura se plaignent de sa lenteur dans les relevés des compteurs d'eau. Ils expliquent que cette lenteur cause l'incapacité de payer des factures car ces dernières contiennent des montants élevés. Ces clients demandent à la régie des eaux de leur donner à temps les factures de l'eau consommée. Les détails avec Vestine Boutoui. Un de ses clients de la régie des eaux dit qu'il vient de passer une période d'une année en cherchant à payer la facture d'eau déjà consommée, mais en vain, car il n'a pas encore reçu cette facture. On m'a donné son compteur d'eau depuis 17 décembre de l'année passée et j'ai attendu qu'on fasse les relevés sur celui-là, mais en vain. Il ajoute qu'avant que cette période d'une année passe, c'est-à-dire après les 6 mois, il s'est rendu dans le service commercial de la régie des eaux pour qu'il puisse recevoir la dite facture. La réponse est qu'il a eu était d'aller prendre la photo de son compteur et revenir avec afin de confectionner sa facture, mais cela n'a pas marché, explique-t-il. Après 6 mois, je me suis rendu dans le service commercial, la cellule de facturation au sein de la régie des eaux. Ils m'ont demandé d'aller prendre une photo de mon compteur et puis revenir avec. Je l'ai fait comme convenu et après, je leur ai demandé où est ma facture. Encore, leur réponse est d'aller attendre. Récemment, je me suis retourné il y a 2 semaines. La réponse qu'ils m'ont donnée cette fois est qu'ils sont en train de confectionner les factures et qu'ils vont me l'apporter à la maison. Selon lui, le cumul des retards dans le paiement de ces factures engendre des pertes énormes dans la famille parce qu'il est difficile de trouver une telle somme d'argent momentanément. Si les frais se trouvant sur la facture de paiement deviennent très élevés, il me serait impossible de les payer dans une seule tranche et c'est un problème pour le développement familial. Il demande à la régie des eaux de leur donner des factures d'eau à temps comme elle le faisait avant dans une période de 3 mois. Et certaines causes du retard de ces factures de consommation dues à des clients de la régie des eaux sont le renouvellement de leur compteur d'eau ou l'ajout des nouveaux clients, comme l'indique le directeur général du service commercial au sein de la régie des eaux, Charles Koumami, qui ajoutait que de tels clients vont être régularisés. Toutefois, il y a des clients qui, lorsqu'on va prendre les index des compteurs, ce que nous avons relevé, les compteurs sont enfermés ou carrément les gens n'ouvrent pas les encos pour que le receveur puisse prendre l'index. À ce moment-là, il y a un retard de facturation pour ce genre de clients. Il y a aussi une autre catégorie pour les nouveaux clients qui avaient des compteurs défectueux qui ont été remplacés. Pour ces clients, s'il n'y a pas eu le bulletin de mouvement de compteur qui arrive au niveau de la direction commerciale pour qu'on puisse enregistrer leur compteur dans le système, on éprouve des difficultés pour pouvoir les facturer à temps. Mais si on se rassure que le client a été raccordé en bonne et due forme par la régie des eaux, on essaie de remonter le circuit de raccordement pour qu'on puisse avoir la date exacte de raccordement ainsi que le numéro de compteur et les index de la date de raccordement pour qu'on puisse les intégrer dans notre système pour enfin commencer la facturation du client. Chaque fois que nous avons l'information, nous essayons de voir si le client a été raccordé en bonne et due forme par la régie des eaux. Nous cherchons les informations pour le mettre dans le système afin de le facturer directement. Pour les clients qui ne sont pas dans le système, qui ont eu des raccordements clandestins, on les déconnecte du réseau et puis on fait les enquêtes pour savoir qui les a raccordés et comment. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les jeunes sont appelés à travailler et à s'auto-créer des emplois divers pour qu'ils puissent arriver au développement durable. La ministre de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information, Evelyne Boutoy, l'a dit ce mardi lors d'une table ronde organisée par son ministère avec les différents intervenants dans le secteur de la jeunesse. Evelyne Boutoy invite tous les partenaires œuvrant dans ce secteur de suivre de près l'éducation de la jeunesse pendant cette période préélectorale de 2020. Suivez. Le ministère de la Jeunesse, des Postes et des TIC organise ses assises au moment où nous cheminons vers l'année 2019, une année qui précède les élections de 2020, où nous voulons que les jeunes passent des moments démocratiques et paisibles. La promotion et le bien-être de la jeunesse nous concernent tous. Chacune de nos actions, de nos habitudes et de nos comportements ont un effet immédiat sur la préservation de notre jeunesse, ainsi que le développement durable de notre société et de l'humanité en général. Soyons l'auteur de notre propre histoire. Tel est notre slogan, afin de motiver la jeunesse à s'engager pour le développement durable et intégré. Impliquer les jeunes dans le développement durable, pour eux-mêmes et par eux-mêmes, est basé sur l'hypothèse que l'investissement personnel est important pour apprendre et réussir à l'école et au-delà. Cet engagement fait appel à une variété de capacités et de compétences qui encouragent le développement intellectuel. Les jeunes Burundais représentent plus de 66% de la population en âge de travailler en nombre exorbitant de chômeurs. Pour toutes ces raisons, il est indispensable d'investir dans la jeunesse et le premier défi à relever est celui de l'éducation et de la formation efficace pour devenir leader d'un avenir meilleur, un défi auquel nous devons travailler tous. Le gouvernement du Burundi s'engage de plus en plus dans des études et des réflexions sur l'autonomisation des jeunes. Cette dimension est ainsi dorénavant intégrée dans les programmes de développement et à l'échelle locale, nationale et régionale. Certains jeunes du site des déplacés d'Orgagnoni en commune État de la province Gitega disent bien cohabiter avec ceux qui sont restés sur les collines en général. Ces jeunes espèrent également que le processus électoral prochain de 2020 va bien se dérouler. Chartier Niungeko, le coordinateur de l'ONG Miparec, indique que les jeunes devraient recevoir des éclaircissements sur la notion de démocratie. Arthur Kavaouchi. Le site Gagnoni de la zone de Kabanga en commune Guieta de la province Gitega a été créé en 1998. Là, il vivait depuis 1993 dans les écoles de Kibimba et actuellement, il compte 1020 habitants. Selon certains jeunes de ce site avec lesquels nous nous sommes entretenus, la cohabitation entre eux et ceux qui sont restés sur les collines est bonne. Cependant, ces jeunes ne manquent pas de mentionner les conséquences de vivre dans le site comme le développement étant donné qu'ils doivent parcourir beaucoup de distances pour aller travailler dans leur champ. Quant à ce qui est des élections de 2020. Ça dépendra de comment se présentera la situation à ce moment. Toutefois, il reste confiant que ce processus électoral va bien se passer. Si le calme d'aujourd'hui perdure. Chartier Nyungeko, coordinateur national de l'ONG Miparek, où ils ont un projet de la contribution à la cohésion sociale, appelle les jeunes à rester sereins en mettant ensemble leurs forces pour le développement. Une autre chose, c'est que les jeunes doivent recevoir des éclaircissements sur la notion de démocratie pour qu'ils comprennent bien que celui qui ne partage pas les mêmes opinions n'est pas un ennemi. Selon lui, ça contribuerait à la réussite des prochaines élections. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Les enseignants du lycée communal d'Urguasangwa, en commune Matana de la province de Bururi, ont décidé de geler les résultats du premier trimestre dès ce lundi. Ils protestent contre la mesure de ramener à cet établissement scolaire un élève, alors que le conseil de discipline avait bien décidé de le renvoyer définitivement. Ces enseignants demandent d'être écoutés. Le directeur provincial de l'éducation prévoit une descente sur terrain en vue de vider la question. Jean-Pierre Misago. Ce lundi, comme prévu au lycée communal Guasanga, a été motivé par ce que ses enseignants appellent humiliation après l'annulation par le directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Matana, de la décision du conseil de discipline de ce lycée, renvoyant définitivement un élève accusé de terroriser un de leurs, selon les enseignants contactés. Ces enseignants disent ne pas digérer le refus affiché par le directeur provincial de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Bururi, de se rendre à cette école pour statuer sur ce cas, alors qu'il a été saisi sur la question avant même d'envoyer une correspondance au ministre de tutelle. Ces enseignants qui disent s'être retenus afin de faire passer les examens du premier trimestre, l'élève renvoyé y compris, demandent que cette question soit préalablement vidée avant toute poursuite des activités scolaires. Interrogé à propos, Antoine Sabiyumba, directeur provincial de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Bururi, reconnaît avoir reçu une correspondance de ses enseignants et qu'il n'a pas sous-estimé leurs propos, mais qu'il était trop occupé. Il annonce une descente sur terrain pour très bientôt pour tenter de vider la question en compagnie des représentants des syndicats des enseignants. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, on revient sur la méningite, une maladie qui peut être traitée, mais qui est également mortelle, selon le directeur du programme élargi de vaccination. Docteur Olivier Nijimbele précise qu'en cas d'épidémie, près de 50% des malades peuvent mourir. Il indique ainsi que c'est la raison pour laquelle le programme de vaccination avait prévu, au cours de ce même mois de décembre, une campagne de vaccination contre cette maladie. La chronique santé avec Ornella Mucho. Dans notre précédent chronique santé. Nous vous avions parlé que la méningite est une maladie causée par le microbe ainsi que le virus. Comme l'explique le directeur du programme élargi de vaccination, cette maladie a des conséquences néfastes sur la santé. Docteur Olivier Nijimbele donne l'exemple des troubles d'audition comme l'une des conséquences. La méningite est une maladie grave, mortelle. Je vous dis que par exemple, en cas d'épidémie de méningite à méningocoque, près de 50% des malades peuvent mourir. Même en cas de traitement, la personne qui a été infectée par la méningite peut garder des séquelles, que ce soit au niveau du cerveau ou au niveau de l'audition. Par exemple, la personne peut avoir des troubles de l'audition qui sont les séquelles de la méningite. Parfois, il y a aussi un retard intellectuel dans les suites du méningite. Comme l'explique toujours ce médecin, sur le cas du traitement, la méningite doit être considérée comme une urgence médicale. La méningite est une maladie qui peut être traitée. Et en cas de méningite, il y a des antibiotiques qui sont administrés au niveau des hôpitaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la méningite doit être considérée comme une urgence médicale. Les signes peuvent apparaître quelques jours après la contamination. C'est ce que nous appelons une période d'incubation qui peut aller jusqu'à 7 à 10 jours. La vaccination est le moyen sûr